Livre 8, troisième partie. J'étais ce jour-là dans le même équipage négligé qui m'était ordinaire. Grande barbe et perruque assez mal peignée. Prenant ce défaut de décence pour un acte de courage, j'entrais de cette façon dans la même salle où devait arriver, peu de temps après, le roi, la reine, la famille royale et toute la cour. J'allais m'établir dans la loge où me conduisit Monsieur de Curie et qui était la sienne. C'était une grande loge sur le théâtre, vis-à-vis une petite loge plus élevée où se plaça le roi avec Madame de Pompadour. Environné de dames et seul d'hommes sur le devant de la loge, je ne pus plus douter qu'on ne m'eût mis là précisément pour être en vue. Quand on eut allumé, me voyant dans cet équipage, au milieu de gens tous excessivement parés, je commençais d'être mal à mon aise. Je me demandais si j'étais à ma place, si j'y étais mis convenablement. Et après quelques minutes d'inquiétude, je me répondis « Oui ». Avec une intrépidité qui venait peut-être plus de l'impossibilité de m'en dédire que de la force de mes raisons. Je me dis, je suis à ma place, puisque je vois jouer ma pièce, que j'y suis invitée, que je ne l'ai faite que pour cela, et qu'après tout, personne n'a plus de droit que moi-même à jouir du fruit de mon travail et de mes talents. Je suis mise à mon ordinaire, ni mieux ni pis. Si je recommence à m'asservir à l'opinion dans quelque chose, m'y voilà bientôt asservi de rechef en tout. Pour être toujours moi-même, je ne dois rougir, en quelque lieu que ce soit, d'être mis selon l'état que j'ai choisi. Mon extérieur est simple et négligé, mais non crasseux ni malpropre. La barbe ne l'est point en elle-même, puisque c'est la nature qui nous la donne. Et que, selon les temps et les modes, elle est quelquefois un ornement. On me trouvera ridicule, impertinent, et que m'importe. Je dois savoir endurer le ridicule et le blâme, pourvu qu'il ne soit pas mérité. Après ce petit soliloque, je me raffermis si bien que j'aurais été intrépide si j'eusse eu besoin de l'être. Mais, soit effet de la présence du maître, soit naturelle disposition des cœurs, je n'aperçus rien que d'obligeant et d'honnête dans la curiosité dont j'étais l'objet. J'en fus touché, jusqu'à recommencer d'être inquiet sur moi-même et sur le sort de ma pièce, craignant d'effacer des préjugés si favorables qui semblaient ne chercher qu'à m'applaudir. J'étais armé contre leur raillerie, mais leur air caressant, auquel je ne m'étais pas attendu, me subjuga si bien que je tremblais comme un enfant quand on commença. J'eus bientôt de quoi me rassurer. La pièce fut très mal jouée quant aux acteurs, mais bien chantée et bien exécutée quant à la musique. Dès la première scène, qui véritablement est d'une naïveté touchante, j'entendis s'élever dans les loges un murmure de surprise et d'applaudissements. Jusqu'alors, inouï dans ce genre de pièce. La fermentation croissante alla bientôt au point d'être sensible dans toute l'assemblée. Et, pour parler à la Montesquieu, d'augmenter son effet par son effet même. À la scène des deux petites bonnes gens, cet effet fut à son comble. On ne claque point devant le roi. Cela fit qu'on entendit tout. La pièce et l'auteur y gagnèrent. J'entendais autour de moi un chuchotement de femmes qui me semblaient belles comme des anges et qui s'entredisaient à demi-voix. « Cela est charmant, cela est ravissant, il n'y a pas un son là qui ne parle au cœur. » Le plaisir de donner de l'émotion à tant d'aimables personnes m'émut moi-même jusqu'aux larmes, et je ne pus les contenir au premier duo en remarquant que je n'étais pas seule à pleurer. J'eus un moment de retour sur moi-même, en me rappelant le concert de Monsieur de Trétorens. Cette réminiscence eut l'effet de l'esclave qui tenait la couronne sur la tête, des triomphateurs. Mais elle fut courte, et je me livrai bientôt, pleinement et sans distraction, au plaisir de savourer ma gloire. Je suis pourtant sûre qu'en ce moment, la volupté du sexe y entrait beaucoup plus que la vanité d'auteur. Et sûrement s'il n'y eût là que des hommes, je n'aurais pas été dévorée comme je l'étais sans cesse, du désir de recueillir de mes lèvres les délicieuses larmes que je faisais couler. J'ai vu des pièces exciter de plus vifs transports d'admiration, mais jamais une ivresse aussi pleine, aussi douce, aussi touchante, régnait dans tout un spectacle, et surtout à la cour, un jour de première représentation. Ceux qui ont vu celle-là doivent s'en souvenir, car l'effet en fut unique. Le même soir, Monsieur le duc d'Aumont me fit dire de me trouver au château le lendemain sur les 11 heures, et qu'il me présenterait au roi. Monsieur de Curie, qui me fit ce message, ajouta qu'on croyait qu'il s'agissait d'une pension, et que le roi voulait me l'annoncer lui-même. Croira-t-on que la nuit qui suivit une aussi brillante journée fut une nuit d'angoisse et de perplexité pour moi? Ma première idée, après celle de cette représentation, se porta sur un fréquent besoin de sortir, qui m'avait fait beaucoup souffrir le soir même au spectacle, et qui pouvait me tourmenter le lendemain quand je serais dans la galerie ou dans les appartements du roi parmi tous ces grands attendant le passage de sa majesté. Cette infirmité était la principale cause qui me tenait écartée des cercles et qui m'empêchait d'aller m'enfermer chez des femmes. L'idée seule de l'état où ce besoin pouvait me mettre était capable de me le donner au point de m'en trouver mal, à moins d'un esclandre auquel j'aurais préféré la mort. Il n'y a que les gens qui connaissent cet état qui puissent juger de l'effroi d'en courir le risque. Je me figurais ensuite devant le roi, présenté à sa majesté, qui daignait s'arrêter et m'adresser la parole. C'était là qu'il fallait de la justesse et de la présence d'esprit pour répondre. Ma maudite timidité, qui me trouble devant le moindre inconnu, m'aurait-elle quitté devant le roi de France, ou m'aurait-elle permis de bien choisir à l'instant ce qu'il fallait dire? Je voulais, sans quitter l'air et le ton sévère que j'avais pris, me montrer sensible à l'honneur que me faisait un si grand monarque. Il fallait envelopper quelque grande et utile vérité dans une louange belle et méritée. Pour préparer d'avance une réponse heureuse, il aurait fallu prévoir juste ce qu'il pourrait me dire, et j'étais sûre, après cela, de ne pas retrouver en sa présence un mot de ce que j'aurais médité. Que deviendrais-je en ce moment, et sous les yeux de toute la cour, s'il allait m'échapper, dans mon trouble, quelqu'une de mes balourdises ordinaires? Ce danger m'alarma, m'effraya, me fit frémir au point de me déterminer, à tout risque, à ne m'y pas exposer. Je perdais, il est vrai, la pension qui m'était offerte en quelque sorte. Mais je m'exemptais aussi du joug qu'elle m'eût imposé. Adieu la vérité, la liberté, le courage. Comment oser désormais parler d'indépendance et de désintéressement? Il ne fallait plus que flatter ou me taire en recevant cette pension. Encore, qui m'assurait qu'elle me serait payée? Que de pas à faire, que de gens à solliciter. Il m'en coûterait plus de soins et bien plus désagréable pour la conserver que pour m'en passer. Je crus donc, en y renonçant, prendre un parti très conséquent à mes principes et sacrifier l'apparence à la réalité. Je dis ma résolution à Grimm, qui n'y opposa rien. Aux autres, j'alléguai ma santé et je partis le matin même. Mon départ fit du bruit et fut généralement blâmé. Mes raisons ne pouvaient être senties par tout le monde. M'accuser d'un sot orgueil était bien plutôt fait et contentait mieux la jalousie de quiconque sentait à lui-même qu'il ne se serait pas conduit ainsi. Le lendemain, Joliot m'écrivit un billet où il me détailla les succès de ma pièce et l'engouement où le roi lui-même en était. Toute la journée, me marquait-il, sa majesté ne cesse de chanter, avec la voix la plus fausse de son royaume. J'ai perdu mon serviteur, j'ai perdu tout mon bonheur. Il ajoutait que dans la quinzaine, on devait donner une seconde représentation du devin, qui constaterait aux yeux de tout le public le plein succès de la première. Deux jours après, comme j'entrais le soir sur les 9 heures chez Madame d'Épinay, où j'allais souper, je me vis croisé par un fiacre à la porte. Quelqu'un qui était dans ce fiacre me fit signe d'y monter. J'y monte. C'était Diderot. Il me parla de la pension avec un feu que, sur pareil sujet, je n'aurais pas attendu d'un philosophe. Il ne me fit pas un crime de n'avoir pas voulu être présenté au roi, mais il m'en fit un terrible de mon indifférence pour la pension. Il me dit que si j'étais désintéressé pour mon compte, il ne m'était pas permis de l'être pour celui de Madame Levasseur et de sa fille, que je leur devais de n'omettre aucun moyen possible et honnête de leur donner du pain. Et comme on ne pouvait pas dire après tout que j'eusse refusé cette pension, il soutint que, puisqu'on avait paru disposé à me l'accorder, je devais la solliciter et l'obtenir, à quelque prix que ce fût. Quoique je fusse touché de son zèle, je ne pus goûter ses maximes, et nous eûmes à ce sujet une dispute très vive, la première que j'ai eue avec lui. Et nous n'en avons jamais eu que de cette espèce, lui me prescrivant ce qu'il prétendait que je devais faire, et moi m'en défendant, parce que je croyais ne le devoir pas. Il était tard quand nous nous quittâmes. Je voulus le mener souper chez Madame d'Épinay, il ne le voulut point. Et quelque effort que le désir d'unir tous ceux que j'aime m'a fait faire en divers temps pour l'engager à la voir, jusqu'à la mener à sa porte qu'il nous tint fermée, il s'en est toujours défendu, ne parlant d'elle qu'en termes très méprisants. Ce ne fut qu'après ma brouillerie avec elle et avec lui qu'ils se lièrent et qu'il commença d'en parler avec honneur. Depuis lors, Diderot et Grimm semblèrent prendre à tâche d'aliéner de moi les gouverneuses, leur faisant entendre que si elles n'étaient pas plus à leur aise, c'était mauvaise volonté de ma part, et qu'elles ne feraient jamais rien avec moi. Ils tâchaient de les engager à me quitter, leur promettant un regras de sel, un bureau de tabac et je ne sais quoi encore, par le crédit de Madame d'Épinay. Ils voulurent même entraîner Duclos ainsi que d'Holbach dans leur ligue, mais le premier s'y refusa toujours. J'eus alors quelque vent de tout ce manège, mais je ne l'appris bien distinctement que longtemps après. Et j'eus souvent à déplorer le zèle aveugle et peu discret de mes amis, qui, cherchant à me nuire, incommodé comme j'étais à la plus triste solitude, travaillaient dans leur idée à me rendre heureux par les moyens les plus propres, en effet, à me rendre misérable. Le carnaval suivant, 1753, le devin fut joué à Paris, et j'eus le temps, dans cet intervalle, d'en faire l'ouverture et le divertissement. Ce divertissement, tel qu'il est gravé, devait être en action d'un bout à l'autre et dans un sujet suivi qui, selon moi, fournissait des tableaux très agréables. Mais quand je proposais cette idée à l'opéra, on ne m'entendit seulement pas, et il fallut coudre des chants et des danses à l'ordinaire. Cela fit que ce divertissement, quoique plein d'idées charmantes, qui ne départ point les scènes, réussit très médiocrement. J'ôtai le récitatif de Joliote, et je rétablis le mien, tel que je l'avais fait d'abord et qu'il est gravé. Et ce récitatif, un peu francisé, je l'avoue, c'est-à-dire traîné par les acteurs, loin de choquer personne, n'a pas moins réussi que les airs, et a paru, même au public, tout aussi bien fait pour le moins. Je dédiai ma pièce à M. Duclos, qui l'avait protégé, et je déclarai que ce serait ma seule dédicace. J'en ai pourtant fait une seconde avec son consentement, mais il a dû se tenir encore plus honoré de cette exception que si je n'en avais fait aucune. J'ai sur cette pièce beaucoup d'anecdotes, sur lesquelles des choses plus importantes à dire ne me laissent pas le loisir de m'étendre ici. J'y reviendrai peut-être un jour dans le supplément. Je n'en saurais pourtant omettre une, qui peut avoir trait à tout ce qui suit. Je visitais un jour, dans le cabinet du baron d'Holbach, sa musique, après en avoir parcouru de beaucoup d'espèces, il me dit, en me montrant un recueil de pièces de clavecin, « Voilà des pièces qui ont été composées pour moi. Elles sont pleines de goût, bien chantantes. Personne ne les connaît, ni ne les verra que moi seul. Vous en devriez choisir quelqu'une pour l'insérer dans votre divertissement. » Ayant dans la tête des sujets d'air et des symphonies, beaucoup plus que je n'en pouvais employer, je me souciais très peu des siens. Cependant, il me pressa tant que par complaisance, je choisis une pastorelle que j'abrégeai et que je mis en trio pour l'entrée des compagnes de Colette. Quelques mois après, et tandis qu'on représentait le devin, entrant un jour chez Grimm, je trouvai du monde autour de son clavecin, d'où il se leva brusquement à mon arrivée. En regardant machinalement sur son pupitre, j'y vis ce même recueil du baron d'Holbach, ouvert précisément à cette même pièce qu'il m'avait pressé de prendre, en m'assurant qu'elle ne sortirait jamais de ses mains. Quelque temps après, je vis encore ce même recueil, ouvert sur le clavecin de M. d'Épinay, un jour qu'il avait musique chez lui. Grimm, ni personne, n'a jamais parlé de cet air, et je n'en parle ici moi-même que parce qu'il se répandit quelque temps après un bruit que je n'étais pas l'auteur du devin du village. Comme je ne fus jamais un grand croque-note, je suis persuadé que sans mon dictionnaire de musique, on aurait dit à la fin que je ne la savais pas. Quelque temps avant qu'on donnât le devin du village, il était arrivé à Paris des bouffons italiens qu'on fit jouer sur le théâtre de l'Opéra sans prévoir l'effet qu'ils y allaient faire. Quoiqu'ils fussent détestables et que l'orchestre, alors très ignorant, estropia à plaisir les pièces qu'ils donnèrent, elles ne laissèrent pas de faire à l'Opéra français un tort qu'il n'a jamais réparé. La comparaison de ces deux musiques, entendues le même jour sur le même théâtre, déboucha les oreilles françaises. Il n'y en eut point qui pût endurer la traînerie de leur musique, après l'accent vif et marqué de l'italienne. Sitôt que les bouffons avaient fini, tout s'en allait. On fut forcé de changer l'ordre et de mettre les bouffons à la fin. On donnait Aiglé, Pygmalion, le Sylphe. Rien ne tenait. Le seul devin du village soutint la comparaison, et plus encore après la Serva Padrona. Quand je composais mon intermède, j'avais l'esprit rempli de cela. Ce furent eux qui m'en donnèrent l'idée. Et j'étais bien éloigné de prévoir qu'on les passerait en revue à côté de lui. Si j'eusse été un pillard, que de vols seraient alors devenus manifestes, et combien on eût pris soin de les faire sentir. Mais rien, on a eu beau faire, on n'a pas trouvé dans ma musique la moindre réminiscence d'aucune autre. Et tous mes chants, comparés aux prétendus originaux, se sont trouvés aussi neufs que le caractère de musique que j'avais créé. Si l'on eût mis Mondeauville ou Rameau à pareille épreuve, il n'en serait sorti qu'en lambeau. Les bouffons firent à la musique italienne des sectateurs très ardents. Tout Paris se divisa en deux parties plus échauffées que s'il se fût agi d'une affaire d'État ou de religion. L'un, plus puissant, plus nombreux, composé des grands, des riches et des femmes, soutenait la musique française. L'autre, plus vif, plus fier, plus enthousiaste, était composé des vrais connaisseurs, des gens à talent, des hommes de génie. Son petit peloton se rassemblait à l'opéra, sous la loge de la reine. L'autre partie remplissait tout le reste du parterre et de la salle. Mais son foyer principal était sous la loge du roi. Voilà d'où vinrent ces noms de parties célèbres dans ces temps-là, de « coin du roi » et de « coin de la reine ». La dispute, en s'animant, produisit des brochures. Le coin du roi voulut plaisanter. Il fut moqué par le petit prophète. Il voulut se mêler de raisonner. Il fut écrasé par la lettre sur la musique française. Ces deux petits écrits, l'un de Grimm et l'autre de moi, sont les seuls qui survivent à cette querelle. Tous les autres sont déjà morts. Mais le petit prophète, qu'on s'obstina longtemps à m'attribuer malgré moi, fut pris en plaisanterie et ne fit pas la moindre peine à son auteur. Au lieu que la lettre sur la musique fut prise au sérieux et souleva contre moi toute la nation, qui se crut offensée dans sa musique. La description de l'incroyable effet de cette brochure serait digne de la plume de Tacite. C'était le temps de la grande querelle du Parlement et du clergé. Le Parlement venait d'être exilé, la fermentation était au comble. Tout menaçait d'un prochain soulèvement. La brochure parut. À l'instant, toutes les autres querelles furent oubliées. On ne songea qu'au péril de la musique française. Et il n'y eut plus de soulèvement que contre moi. Il fut tel que la nation n'en est jamais bien revenue. À la cour, on ne balançait qu'entre la Bastille et l'exil. Et la lettre de cachet allait être expédiée si M. de Voyer n'en eût fait sentir le ridicule. Quand on lira que cette brochure a peut-être empêché une révolution dans l'État, on croira rêver. C'est pourtant une vérité bien réelle, que tout Paris peut encore attester, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui plus de 15 ans de cette singulière anecdote. Si l'on n'attenta pas à ma liberté, l'on ne m'épargna pas du moins les insultes. Ma vie même fut en danger. L'orchestre de l'opéra fit l'honnête complot de m'assassiner quand j'en sortirais. On me le dit, je n'en fus que plus assidu à l'opéra. Et je ne sus que longtemps après que M. Ancelet, officier des mousquetaires, qui avait de l'amitié pour moi, avait détourné l'effet du complot en me faisant escorter à mon insu à la sortie du spectacle. La ville venait d'avoir la direction de l'opéra. Le premier exploit du prévôt des marchands fut de me faire ôter mes entrées, et cela de la façon la plus malhonnête qu'il fût possible, c'est-à-dire en me les faisant refuser publiquement à mon passage, de sorte que je fus obligé de prendre un billet d'amphithéâtre pour n'avoir pas l'affront de m'en retourner ce jour-là. L'injustice était d'autant plus criante que le seul prix que j'avais mis à ma pièce, en la leur cédant, étaient mes entrées à perpétuité. Car, quoique ce fût un droit pour tous les auteurs, et que j'eusse ce droit à double titre, je ne laissais pas de le stipuler expressément en présence de M. Duclos. Il est vrai qu'on m'envoya pour mes honoraires, par le caissier de l'opéra, 50 louis que je n'avais pas demandé. Mais outre que ces 50 louis ne faisaient pas même la somme qui me revenait dans les règles, ce paiement n'avait rien de commun avec le droit d'entrée formellement stipulé, et qui en était entièrement indépendant. Il y avait dans ce procédé une telle complication d'iniquité et de brutalité que le public, alors dans sa plus grande animosité contre moi, ne laissa pas d'en être unanimement choqué. Et tel qui m'avait insulté la veille criait le lendemain tout haut dans la salle qu'il était honteux d'ôter ainsi les entrées à un auteur qui les avait si bien méritées et qui pouvait même les réclamer pour deux. Tant est juste le proverbe italien « Cognum ama la giustizia in casa d'altrui ». Je n'avais là-dessus qu'un parti à prendre, c'était de réclamer mon ouvrage, puisqu'on m'en ôtait le prix convenu. J'écrivis pour cet effet à M. d'Argenson, qui avait le département de l'opéra. Et je joignis à ma lettre un mémoire qui était sans réplique et qui demeura sans réponse et sans effet, ainsi que ma lettre. Le silence de cet homme injuste me resta sur le cœur et ne contribua pas à augmenter l'estime très médiocre que j'eus toujours pour son caractère et pour ses talents. C'est ainsi qu'on a gardé ma pièce à l'opéra, en me frustrant du prix pour lequel je l'avais cédé. Du faible au fort, ce serait voler. Du fort au faible, c'est seulement s'approprier le bien d'autrui. Quant aux produits pécuniaires de cet ouvrage, quoiqu'il ne m'ait pas rapporté le quart de ce qu'il aurait rapporté dans les mains d'un autre, il ne laissa pas d'être assez grand pour me mettre en état de subsister plusieurs années et suppléer à la copie, qui allait toujours assez mal. J'eus 100 louis du roi, 50 de Madame de Pompadour pour la représentation de Bellevue, où elle fit elle-même le rôle de Colin, 50 de l'opéra et 500 francs de Pissot pour la gravure. En sorte que cet intermède, qui ne me coûta que 5 ou 6 semaines de travail, me rapporta presque autant d'argent, malgré mon malheur et ma balourdise, que m'en a rapporté depuis les 1000 qui m'avaient coûté 20 ans de méditation et 3 ans de travail. Mais je payais bien l'aisance pécuniaire où me mit cette pièce, par les chagrins infinis qu'elle m'attira. Elle fut le germe des secrètes jalousies qui n'ont éclaté que longtemps après. Depuis son succès, je ne remarquai plus ni dans Grimm, ni dans Diderot, ni dans presque aucun des gens de lettres de ma connaissance, cette cordialité, cette franchise, ce plaisir de me voir que j'avais cru trouver en eux jusqu'alors. Dès que je paraissais chez le baron, la conversation cessait d'être générale. On se rassemblait par petits pelotons, on se chuchotait à l'oreille, et je restais seul, sans savoir à qui parler. J'endurais longtemps ce choquant abandon. Et voyant que Madame d'Holbach, qui était douce et aimable, me recevait toujours bien, je supportais les grossièretés de son mari, tant qu'elles furent supportables. Mais un jour, il m'entreprit sans sujet, sans prétexte, et avec une telle brutalité, devant Diderot, qui ne dit pas un mot, et devant Margency, qui m'a dit souvent depuis lors avoir admiré la douceur et la modération de mes réponses, qu'enfin, chassé de chez lui par ce traitement indigne, je sortis, résolu de n'y plus rentrer. Cela ne m'empêcha pas de parler toujours honorablement de lui et de sa maison, tandis qu'il ne s'exprimait jamais sur mon compte qu'en termes outrageants, méprisants, sans me désigner autrement que par « ce petit cuistre », et sans pouvoir cependant articuler aucun tort d'aucune espèce que j'ai eu jamais avec lui, ni avec personne à qui il prit intérêt. Voilà comment il finit par vérifier mes prédictions et mes craintes. Pour moi, je crois que mes 10 amis m'auraient pardonné de faire des livres, et d'excellents livres, parce que cette gloire ne leur était pas étrangère, mais qu'ils ne purent me pardonner d'avoir fait un opéra, ni les succès brillants qu'eut cet ouvrage, parce qu'aucun d'eux n'était en état de courir la même carrière, ni d'aspirer aux mêmes honneurs. Duclos, seul, au-dessus de cette jalousie, parut même augmenter d'amitié pour moi, et m'introduisit chez Mademoiselle Quinault, où je trouvais autant d'attention, d'honnêteté, de caresses, que j'avais peu trouvé tout cela chez M. d'Holbach. Tandis qu'on jouait le devin du village à l'opéra, il était aussi question de son auteur à la Comédie-Française, mais un peu moins heureusement. N'ayant pu, dans 7 ou 8 ans, faire jouer mon Narcisse aux Italiens, je m'étais dégoûté de ce théâtre, par le mauvais jeu des acteurs dans le français, et j'aurais bien voulu avoir fait passer ma pièce aux Français plutôt que chez eux. Je parlais de ce désir au comédien Lanoux, avec lequel j'avais fait connaissance, et qui, comme on sait, était homme de mérite et auteur. Narcisse lui plut. Il se chargea de le faire jouer anonyme, et, en attendant, il me procura les entrées, qui me furent d'un grand agrément, car j'ai toujours préféré le théâtre français aux 2 autres. La pièce fut reçue avec applaudissements et représentée sans qu'on en nommât l'auteur. Mais j'ai lieu de croire que les comédiens et bien d'autres ne l'ignoraient pas. Les demoiselles Gossin et Grandval jouaient les rôles d'amoureuses, et quoique l'intelligence du tout fût manquée à mon avis, on ne pouvait pas appeler cela une pièce absolument mal jouée. Toutefois, je fus surpris et touché de l'indulgence du public, qui eut la patience de l'entendre tranquillement d'un bout à l'autre et d'en souffrir même une seconde représentation, sans donner le moindre signe d'impatience. Pour moi, je m'ennuyais tellement à la première que je ne pus tenir jusqu'à la fin. Et, sortant du spectacle, j'entrai au café de Procope, où je trouvai Boissy et quelques autres, qui probablement s'étaient ennuyés comme moi. Là, je dis hautement mon pécavi, m'avouant humblement ou fièrement l'auteur de la pièce et en parlant comme tout le monde en pensait. Cet aveu public de l'auteur d'une mauvaise pièce qui tombe fut fort admiré et me parut très peu pénible. J'y trouvai même un dédommagement d'amour-propre dans le courage avec lequel il fut fait, et je crois qu'il y eut en cette occasion plus d'orgueil à parler qu'il n'y aurait eu de sotte honte à se taire. Cependant, comme il était sûr que la pièce, quoique glacée à la représentation, soutenait la lecture, je la fis imprimer, et dans la préface, qui est un de mes bons écrits, je commençai de mettre à découvert mes principes, un peu plus que je n'avais fait jusqu'alors. J'eus bientôt l'occasion de les développer tout à fait dans un ouvrage de plus grande importance. Car ce fut, je pense, en cette année 1753, que parut le programme de l'Académie de Dijon sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Frappé de cette grande question, je fus surpris que cette Académie eût osé la proposer. Mais puisqu'elle avait eu ce courage, je pouvais bien avoir celui de la traiter. Et je l'entrepris. Pour méditer à mon aise ce grand sujet, je fis à Saint-Germain un voyage de 7 ou 8 jours, avec Thérèse, notre hôtesse, qui était une bonne femme, et une de ses amies. Je compte cette promenade pour une des plus agréables de ma vie. Il faisait très beau, ces bonnes femmes se chargèrent des soins et de la dépense, Thérèse s'amusait avec elles, et moi, sans souci de rien, je venais m'égayer sans gêne aux heures des repas. Tout le reste du jour, enfoncé dans la forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps, dont je traçais fièrement l'histoire. Je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes, j'osais dévoiler à nu leur nature, suivre le progrès du temps et des choses qui l'ont défiguré, et comparant l'homme de l'homme avec l'homme naturel, leur montrer dans son perfectionnement prétendu la véritable source de ses misères. Mon âme, exaltée par ces contemplations sublimes, s'élevait auprès de la divinité. Et voyant de là mes semblables suivre, dans l'aveugle route de leurs préjugés, celle de leurs erreurs, de leurs malheurs, de leurs crimes, je leur criais d'une faible voix qu'ils ne pouvaient entendre « Insensés, qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez que tous vos maux vous viennent de vous. » De ces méditations résulta le discours sur l'inégalité. Ouvrage qui fut plus du goût de Diderot que tous mes autres écrits, et pour lequel ses conseils me furent le plus utiles, mais qui ne trouva dans toute l'Europe que peu de lecteurs qui l'entendissent, et aucun de ceux-là qui voulut en parler. Il avait été fait pour concourir au prix. Je l'envoyai donc, mais sûr d'avance qu'il ne l'aurait pas, et sachant bien que ce n'est pas pour des pièces de cette étoffe que sont fondés les prix des académies. Cette promenade et cette occupation firent du bien à mon humeur et à ma santé. Il y avait déjà plusieurs années que, tourmenté de ma rétention d'urine, je m'étais livré tout à fait au médecin, qui, sans alléger mon mal, avait épuisé mes forces et détruit mon tempérament. Au retour de Saint-Germain, je me trouvai plus de force et me sentis beaucoup mieux. Je suivis cette indication et, résolu de guérir ou mourir sans médecin et sans remède, je leur dis adieu pour jamais. Et je me mis à vivre au jour la journée, restant quoi quand je ne pouvais aller et marchant sitôt que j'en avais la force. Le train de Paris, parmi les gens à prétention, était si peu de mon goût les cabales des gens de lettres, leurs honteuses querelles, leur peu de bonne foi dans leurs livres, leurs airs tranchants dans le monde, m'étaient si odieux, si antipathiques. Je trouvais si peu de douceur, d'ouverture de cœur, de franchise dans le commerce même de mes amis, que, rebuté de cette vie tumultueuse, je commençais à soupirer ardemment après le séjour de la campagne. Et, ne voyant pas que mon métier me permit de m'y établir, j'y courais du moins passer des heures que j'avais de libre. Pendant plusieurs mois, d'abord après mon dîner, j'allais me promener seul au bois de Boulogne, méditant des sujets d'ouvrage, et je ne revenais qu'à la nuit. Gaufrecourt, avec lequel j'étais alors extrêmement lié, se voyant obligé d'aller à Genève pour son emploi, me proposa ce voyage. J'y consentis. Je n'étais pas assez bien pour me passer des soins de la gouverneuse. Il fut décidé qu'elle serait du voyage, que sa mère garderait la maison, et, tous nos arrangements pris, nous partîmes tous trois ensemble le 1er juin 1754. Je dois noter ce voyage comme l'époque de la première expérience qui, jusqu'à l'âge de 42 ans que j'avais alors, est portée atteinte au naturel pleinement confiant avec lequel j'étais né et auquel je m'étais toujours livré sans réserve et sans inconvénient. Nous avions un carrosse bourgeois qui nous menait, avec les mêmes chevaux, à très petite journée. Je descendais et marchais souvent à pied. À peine étions-nous à la moitié de notre route que Thérèse marqua la plus grande répugnance à rester seule dans la voiture avec Gaufrecourt. Et que, quand malgré ses prières je voulais descendre, elle descendait et marchait aussi. Je la grondais longtemps de ce caprice, et même je m'y opposais tout à fait, jusqu'à ce qu'elle se vît forcée enfin à m'en déclarer la cause. Je crus rêver, je tombai des nues, quand j'appris que mon ami, monsieur de Gaufrecourt, âgé de plus de 60 ans, podagre, impotent, usé de plaisir et de jouissance, travaillait depuis notre départ à corrompre une personne qui n'était plus ni belle ni jeune, qui appartenait à son ami. Et cela, par les moyens les plus bas, les plus honteux, jusqu'à lui présenter sa bourse, jusqu'à tenter de l'émouvoir par la lecture d'un livre abominable et par la vue des figures infâmes dont il était plein. Thérèse, indignée, lui lança une fois son vilain livre par la portière. Et j'appris que, le premier jour, une violente migraine m'ayant fait aller coucher sans souper, il avait employé tout le temps de ce tête-à-tête à des tentatives et des manœuvres plus dignes d'un satyre et d'un bouc que d'un honnête homme auquel j'avais confié ma compagne et moi-même. Quelle surprise! Quel serrement de cœur tout nouveau pour moi! Moi qui, jusqu'alors, avais cru l'amitié inséparable de tous les sentiments aimables et nobles qui font tout son charme. Pour la première fois de ma vie, je me vois forcé de l'allier au dédain et d'ôter ma confiance et mon estime à un homme que j'aime et dont je me crois aimé. Le malheureux me cachait sa turpitude. Pour ne pas exposer Thérèse, je me vis forcé de lui cacher mon mépris et de receler au fond de mon cœur des sentiments qu'il ne devait pas connaître. Douce et sainte illusion de l'amitié. Gaufrecourt leva le premier ton voile à mes yeux. Que de mains cruelles l'ont empêché depuis lors de retomber. À Lyon, je quittai Gaufrecourt pour prendre ma route par la Savoie, ne pouvant me résoudre à passer Derechef si près de maman sans la revoir. Je la revis. Dans quel état, mon Dieu! Quel avilissement! Que lui restait-il de sa vertu première? Était-ce la même madame de Varens, jadis si brillante, à qui le curé Pontvert m'avait adressée? Que mon cœur fut navré! Je ne vis plus pour elle d'autre ressource que de se dépayser. Je lui réitérai vivement et vainement les instances que je lui avais faites plusieurs fois dans mes lettres, de venir vivre paisiblement avec moi, qui voulais consacrer mes jours et ceux de Thérèse à rendre les siens heureux. attaché à sa pension, dont cependant, quoique exactement payée, elle ne tirait plus rien depuis longtemps, elle ne m'écouta pas. Je lui fis encore quelques légères parts de ma bourse, bien moins que je n'aurais dû, bien moins que je n'aurais fait, si je n'eusse été parfaitement sûr qu'elle n'en profiterait pas d'un sou. Durant mon séjour à Genève, elle fit un voyage en Chablais et vint me voir à Grange Canal. Elle manquait d'argent pour achever son voyage. Je n'avais pas sur moi ce qu'il fallait pour cela. Je le lui envoyai une heure après par Thérèse. Pauvre maman. Que je dise encore ce trait de son cœur. Il ne lui restait, pour dernier bijou, qu'une petite bague. Elle l'ôta de son doigt pour la mettre à celui de Thérèse, qui la remit à l'instant au sien, en baisant cette noble main qu'elle arrosa de ses pleurs. Ah, c'était alors le moment d'acquitter ma dette. Il fallait tout quitter pour la suivre, m'attacher à elle jusqu'à sa dernière heure et partager son sort, quel qu'il fût. Je n'en fis rien. Distrait par un autre attachement, je sentis relâcher le mien pour elle, faute d'espoir de pouvoir le lui rendre utile. Je gémis sur elle et ne la suivis pas. De tous les remords que j'ai sentis en ma vie, voilà le plus vif et le plus permanent. Je méritais par là les châtiments terribles qui depuis lors n'ont cessé de m'accabler. Puissent-ils avoir expié mon ingratitude? Elle fut dans ma conduite, mais elle a trop déchiré mon cœur pour que jamais ce cœur ait été celui d'un ingrat. Avant mon départ de Paris, j'avais esquissé la dédicace de mon discours sur l'inégalité. Je l'achevais à Chambéry et la datais du même lieu, jugeant qu'il était mieux, pour éviter toute chicane, de ne la dater ni de France ni de Genève. Arrivé dans cette ville, je me livrai à l'enthousiasme républicain qui m'y avait amené. Cet enthousiasme augmenta par l'accueil que j'y reçus. Fêté, caressé dans tous les états, je me livrai tout entier aux ailes patriotiques. Et, honteux d'être exclu de mes droits de citoyen par la profession d'un autre culte que celui de mes pères, je résolus de reprendre ouvertement ce dernier. Je pensais que l'Évangile, étant le même pour tous les chrétiens, et le fond du dogme n'étant différent qu'en ce qu'on se mêlait d'expliquer ce qu'on ne pouvait entendre, il appartenait en chaque pays au seul souverain de fixer et le culte et ce dogme inintelligible, et qu'il était par conséquent du devoir du citoyen d'admettre le dogme et de suivre le culte prescrit par la loi. La fréquentation des encyclopédistes, loin d'ébranler ma foi, l'avait affermie par mon aversion naturelle pour la dispute et pour les partis. L'étude de l'homme et de l'univers m'avait montré partout les causes finales et l'intelligence qui les dirigeait. La lecture de la Bible, et surtout de l'Évangile, à laquelle je m'appliquais depuis quelques années, m'avait fait mépriser les basses et sottes interprétations que donnaient à Jésus-Christ les gens les moins dignes de l'entendre. En un mot, la philosophie, en m'attachant à l'essentiel de la religion, m'avait détaché de ce fatras de petites formules dont les hommes l'ont offusqué. Jugeant qu'il n'y avait pas pour un homme raisonnable deux manières d'être chrétien, je jugeais aussi que tout ce qui est forme et discipline était, dans chaque pays, du ressort des lois. De ce principe si sensé, si social, si pacifique, qui m'a attiré de si cruelles persécutions, il s'ensuivait que, voulant être citoyen, je devais être protestant et rentrer dans le culte établi dans mon pays. Je m'y déterminai. Je me soumis même aux instructions du pasteur de la paroisse où je logeais, laquelle était hors de la ville. Je désirais seulement de n'être pas obligé de paraître en consistoire. L'édit ecclésiastique, cependant, y était formel. On voulut bien y déroger en ma faveur. Et l'on nomma une commission de 5 ou 6 membres pour recevoir en particulier ma confession de foi. Malheureusement, le ministre Perdriau, homme aimable et doux avec qui j'étais lié, s'avisa de me dire qu'on se réjouissait de m'entendre parler dans cette petite assemblée. cette attente m'effraya si fort qu'ayant étudié jour et nuit pendant 3 semaines un petit discours que j'avais préparé, je me troublai lorsqu'il fallut le réciter, au point de n'en pouvoir pas dire un seul mot. Et je fis dans cette conférence le rôle du plus sot écolier. Les commissaires parlaient pour moi. Je répondais bêtement oui ou non. Ensuite, je fus admis à la communion et réintégré dans mes droits de citoyen. Je fus inscrit comme tel dans le rôle des gardes que paient les seuls citoyens et bourgeois. Et j'assistais à un conseil général extraordinaire pour recevoir le serment du syndic Mussard. Je fus si touché des bontés que me témoignèrent en cette occasion le conseil, le consistoire, et des procédés obligeants et honnêtes de tous les magistrats, ministres et citoyens, que, pressé par le bonhomme de Luc, qui m'obsédait sans cesse, et encore plus par mon propre penchant, je ne songeais à retourner à Paris que pour dissoudre mon ménage, mettre en règle mes petites affaires, placer Madame Levasseur et son mari, ou pouvoir à leur subsistance, et revenir avec Thérèse m'établir à Genève pour le reste de mes jours. Cette résolution prise, je fis trêve aux affaires sérieuses pour m'amuser avec mes amis, jusqu'au temps de mon départ. De tous ces amusements, celui qui me plut davantage fut une promenade autour du lac, que je fis en bateau avec Deluc père, sa bru, ses 2 fils et ma Thérèse. Nous mîmes 7 jours à cette tournée, par le plus beau temps du monde. J'en gardai le vif souvenir des sites qui m'avaient frappé à l'autre extrémité du lac, et dont je fis la description quelques années après, dans la Nouvelle Héloïse. Les principales liaisons que je fis à Genève, outre les 2 Luc dont j'ai parlé, furent le jeune ministre Verne, que j'avais déjà connu à Paris, et dont j'augurais mieux qu'il n'a valu dans la suite. Monsieur Perdriot, alors pasteur de campagne, aujourd'hui professeur de belles-lettres, dont la société pleine de douceur et d'aménité me sera toujours regrettable, quoiqu'il ait cru du bel air de se détacher de moi. Monsieur Jalabert, alors professeur de physique, depuis conseiller et syndic, auquel je lus mon discours sur l'inégalité, mais non pas la dédicace, et qui en parut transporté. Le professeur Lulin, avec lequel, jusqu'à sa mort, je suis resté en correspondance, et qui m'avait même chargé d'emplettes de livres pour la bibliothèque. Le professeur Vernet, qui me tourna le dos, comme tout le monde, après que je lui eus adressé des preuves d'attachement et de confiance qu'il aurait dû toucher, si un théologien pouvait être touché de quelque chose. Chapuis, commis et successeur de Gaufrecourt, qu'il voulut supplanter et qui bientôt fut supplanté lui-même. Marsay de Mézières, ancien ami de mon père et qui s'était montré le mien, mais qui, après avoir jadis bien mérité de la patrie, s'étant fait auteur dramatique et prétendant aux 200, changea de maxime et devint ridicule avant sa mort. Mais celui de tous, dont j'attendis davantage, fut Moultou, jeune homme de la plus grande espérance par ses talents, par son esprit plein de feu, que j'ai toujours aimé, quoique sa conduite à mon égard ait été souvent équivoque, et qu'il ait des liaisons avec mes plus cruels ennemis. Mais qu'avec tout cela, je ne pus m'empêcher de regarder encore comme appelé à être un jour le défenseur de ma mémoire et le vengeur de son ami. Au milieu de ces dissipations, je ne perdis ni le goût ni l'habitude de mes promenades solitaires, et j'en faisais souvent d'assez grandes sur les bords du lac, durant lesquelles ma tête, accoutumée au travail, ne demeurait pas oisive. Je digérais le plan déjà formé de mes institutions politiques, dont j'aurais bientôt à parler. Je méditais une histoire du Valais, un plan de tragédie en prose, dont le sujet, qui n'était pas moins que Lucrèce, ne m'ôtait pas l'espoir d'atterrer les rieurs, quoique j'osasse laisser paraître encore cet infortuné quand elle ne le peut plus, sur aucun théâtre français. Je m'essayais en même temps sur Tacite, et je traduisis le premier livre de son histoire, qu'on trouvera parmi mes papiers. Après 4 mois de séjour à Genève, je retournais au mois d'octobre à Paris, et j'évitais de passer par Lyon, pour ne pas me retrouver en route avec Gauffecourt. Comme il entrait dans mes arrangements de ne revenir à Genève que le printemps prochain, je repris pendant l'hiver mes habitudes et mes occupations, dont la principale fut de voir les épreuves de mon discours sur l'inégalité, que je faisais imprimer en Hollande par le libraire Ray, dont je venais de faire la connaissance à Genève. Comme cet ouvrage était dédié à la République et que cette dédicace pouvait ne pas plaire au Conseil, je voulais attendre l'effet qu'elle ferait à Genève avant que d'y retourner. Cet effet ne me fut pas favorable, et cette dédicace, que le plus pur patriotisme m'avait dictée, ne fit que m'attirer des ennemis dans le Conseil et des jaloux dans la bourgeoisie. Monsieur Chouet, alors premier syndic, m'écrivit une lettre honnête, mais froide, qu'on trouvera dans mes recueils, Lias A, numéro 3. Je reçus des particuliers, entre autres de Deluc et de Jalabert, quelques compliments, et ce fut là tout. Je ne vis point qu'aucun Genevois me sût un vrai gré du zèle de cœur qu'on sentait dans cet ouvrage. Cette indifférence scandalisa tous ceux qui la remarquèrent. Je me souviens que, dînant un jour à Clichy chez Madame Dupin, avec Gromelin, résident de la République, et avec M. de Méran, celui-ci dit en pleine table que le Conseil me devait un présent et des honneurs publics pour cet ouvrage, et qu'il se déshonorait s'il y manquait. Cromelin, qui était un petit homme noir et bassement méchant, n'osa rien répondre en ma présence, mais il fit une grimace effroyable qui fit sourire Madame Dupin. Le seul avantage que me procura cet ouvrage, outre celui d'avoir satisfait mon cœur, fut le titre de citoyen, qui me fut donné par mes amis, puis par le public à leur exemple, et que j'ai perdu dans la suite, pour l'avoir trop bien mérité. Ce mauvais succès ne m'aurait pas détourné d'exécuter ma retraite à Genève, si des motifs plus puissants sur mon cœur n'y avaient pas concouru. Monsieur d'Épinay, voulant ajouter une aile qui manquait au château de la Chevrette, faisait une dépense immense pour l'achever. Étant allé voir un jour, avec Madame d'Épinay, ses ouvrages, nous poussâmes notre promenade un quart de lieue plus loin, jusqu'au réservoir des eaux du parc, qui touchait la forêt de Montmorency, et où était un joli potager, avec une petite loge fort délabrée, qu'on appelait l'Ermitage. Ce lieu, solitaire et très agréable, m'avait frappé quand je le vis pour la première fois, avant mon voyage à Genève. Il m'était échappé de dire dans mon transport « Ah, madame, quelle habitation délicieuse ! Voilà un asile tout fait pour moi !» Madame d'Épinay ne releva pas beaucoup mon discours, mais à ce second voyage, je fus tout surpris de trouver, au lieu de la vieille masure, une petite maison presque entièrement neuve, fort bien distribuée, et très logeable pour un petit ménage de 3 personnes. Madame d'Épinay avait fait faire cet ouvrage en silence et à très peu de frais, en détachant quelques matériaux et quelques ouvriers de ceux du château. Au second voyage, elle me dit, en voyant ma surprise, « Mon ours, voilà votre asile, c'est vous qui l'avez choisi, c'est l'amitié qui vous l'offre. J'espère qu'elle vous ôtera la cruelle idée de vous éloigner de moi. Je ne crois pas avoir été de mes... » Je ne crois pas avoir été de mes jours plus vivement, plus délicieusement ému. Je mouillais de pleurs la main bienfaisante de mon ami. Et si je ne fus pas vaincue dès cet instant même, je fus extrêmement ébranlée. Madame d'Épinay, qui ne voulait pas en avoir le démenti, devint si pressante, employa tant de moyens, tant de gens pour me circonvenir, jusqu'à gagner pour cela Madame Levasseur et sa fille, qu'enfin elle triompha de mes résolutions. Renonçant au séjour de ma patrie, je résolus, je promis, d'habiter l'ermitage. Et en attendant que le bâtiment fût sec, elle prit le soin d'en préparer les meubles, en sorte que tout fût prêt pour y entrer le printemps suivant. Une chose qui aida beaucoup à me déterminer fut l'établissement de Voltaire auprès de Genève. Je compris que cet homme y ferait révolution, que j'irais retrouver dans ma patrie le ton, les airs, les mœurs qui me chassaient de Paris, qu'il me faudrait batailler sans cesse, et que je n'aurais d'autre choix dans ma conduite que celui d'être un pédant insupportable ou un lâche et mauvais citoyen. La lettre que Voltaire m'écrivit sur mon dernier ouvrage me donna lieu d'insinuer mes craintes dans ma réponse. L'effet qu'elle produisit les confirma. Dès lors, je tins Genève perdue, et je ne me trompais pas. J'aurais dû peut-être aller faire tête à l'orage si je m'en étais senti le talent. Mais qu'eussé-je fait seul, timide et parlant mal, contre un homme arrogant, opulent, étayé du crédit des grands, d'une brillante faconde, et déjà l'idole des femmes et des jeunes gens. Je craignis d'exposer inutilement au péril mon courage. Je n'écoutais que mon naturel paisible, que mon amour du repos, qui, s'il me trompa, me trompe encore aujourd'hui sur le même article. En me retirant à Genève, j'aurais pu m'épargner de grands malheurs à moi-même. Mais je doute qu'avec tout mon zèle ardent et patriotique, j'eusse fait rien de grand et d'utile pour mon pays. Tronchin, qui dans le même temps à peu près fut s'établir à Genève, vint quelque temps après à Paris faire le saltimbanque et en emporta des trésors. À son arrivée, il me vint voir avec le chevalier de Jaucourt. Madame d'Épinay souhaitait fort de le consulter en particulier. Mais la presse n'était pas facile à percer. Elle eut recours à moi. J'engageai Tronchin à l'aller voir. Ils commencèrent ainsi, sous mes auspices, des liaisons qu'ils resserrèrent ensuite à mes dépens. Telle a toujours été ma destinée. Sitôt que j'ai rapproché l'un de l'autre deux amis que j'avais séparément, ils n'ont jamais manqué de s'unir contre moi. Quoique, dans le complot que formaient dès lors les Tronchins d'asservir leur patrie, ils dussent tous me haïr mortellement. Le docteur, pourtant, continua longtemps à me témoigner de la bienveillance. Il m'écrivit même après mon retour à Genève pour m'y proposer la place de bibliothécaire honoraire. Mais mon parti était pris, et cette offre ne m'ébranla pas. Je retournais dans ce temps-là chez M. d'Holbach. L'occasion en avait été la mort de sa femme, arrivée, ainsi que celle de Mme Franqueuil, durant mon séjour à Genève. Diderot, en me la marquant, me parla de la profonde affliction du mari. Sa douleur émut mon cœur. Je regrettai moi-même cette aimable femme. J'écrivis sur ce sujet à M. d'Holbach. Ce triste événement me fit oublier tous ses torts, et lorsque je fus de retour de Genève, et qu'il fut de retour lui-même d'un tour de France qu'il avait fait pour se distraire, avec Grimm et d'autres amis, j'allai le voir, et je continuai jusqu'à mon départ pour l'ermitage. Quand on sut, dans sa coterie, que Madame d'Épinay, qu'il ne voyait point encore, m'y préparait un logement, les sarcasmes tombèrent sur moi comme la grêle, fondée sur ce qu'ayant besoin de l'encens et des amusements de la ville, je ne soutiendrai pas la solitude seulement 15 jours. Sentant en moi ce qu'il en était, je laissai dire et j'allai mon train. M. d'Holbach ne laissa pas de m'être utile pour placer le vieux bonhomme Levasseur, qui avait plus de 80 ans, et dont sa femme, qui s'en sentait surchargée, ne cessait de me prier de la débarrasser. Il fut mis dans une maison de charité, où l'âge et le regret de se voir loin de sa famille le mirent au tombeau presque en arrivant. Sa femme et ses autres enfants le regrettèrent peu. Mais Thérèse, qui l'aimait tendrement, n'a jamais pu se consoler de sa perte et d'avoir souffert que, si près de son terme, il alla loin d'elle achever ses jours. J'eus à peu près dans le même temps une visite, à laquelle je ne m'attendais guère, quoique ce fût une bien ancienne connaissance. Je parle de mon ami Venture, qui vint me surprendre un beau matin, lorsque je ne pensais à rien moins. Un autre homme était avec lui. Qu'il me parut changé. Au lieu de ses anciennes grâces, je ne lui trouvais plus qu'un air crapuleux qui m'empêcha de m'épanouir avec lui. Ou mes yeux n'étaient plus les mêmes, ou la débauche avait abruti son esprit, ou tout son premier éclat tenait à celui de la jeunesse, qu'il n'avait plus. Je le vis presque avec indifférence, et nous nous séparâmes assez froidement. Mais quand il fut parti, le souvenir de nos anciennes liaisons me rappela si vivement celui de mes jeunes ans, si doucement, si sagement consacrés à cette femme angélique, qui maintenant n'était guère moins changée que lui, les petites anecdotes de cet heureux temps, la romanesque journée de Thoune, passée avec tant d'innocence et de jouissance entre ces deux charmantes filles, dont une main baisée avait été l'unique faveur, et qui, malgré cela, m'avait laissé des regrets si vifs, si touchants, si durables. Tous ces ravissants délires d'un jeune cœur, que j'avais senti alors dans toute leur force, et dont je croyais le temps passé pour jamais, toutes ces tendres réminiscences me firent verser des larmes sur ma jeunesse écoulée et sur ces transports, désormais perdus pour moi. Ah, combien j'en aurais versé sur leur retour tardif et funeste si j'avais prévu les mots qu'ils m'allaient coûter. Avant de quitter Paris, j'eus, durant l'hiver qui précéda ma retraite, un plaisir bien selon mon cœur, et que je goûtais dans toute sa pureté. Palissot, académicien de Nancy, connu par quelques drames, venait d'en donner un à Lunéville, devant le roi de Pologne. Il crut apparemment faire sa cour en jouant, dans ce drame, un homme qui avait osé se mesurer avec le roi la plume à la main. Stanislas, qui était généreux et qui n'aimait pas la satire, fut indigné qu'on osât ainsi personnaliser en sa présence. Monsieur le comte de Tressan écrivit, par l'ordre de ce prince, à D'Alembert et à moi pour m'informer que l'intention de sa majesté était que le sieur Palissot fût chassé de son académie. Ma réponse fut une vive prière à monsieur de Tressan d'intercéder auprès du roi de Pologne pour obtenir la grâce du sieur Palissot. La grâce fut accordée. Et M. de Tressan, en me le marquant au nom du roi, ajouta que ce fait serait inscrit sur les registres de l'Académie. Je répliquai que c'était moins accorder une grâce que perpétuer un châtiment. Enfin j'obtins, à force d'instance, qu'il ne serait fait mention de rien dans les registres et qu'il ne resterait aucune trace publique de cette affaire. Tout cela fut accompagné, tant de la part du roi que de celle de M. de Tressan, de témoignages d'estime et de considération dont je fus extrêmement flatté. Et je sentis en cette occasion que l'estime des hommes, qui en sont si dignes eux-mêmes, produit dans l'âme un sentiment bien plus doux et plus noble que celui de la vanité. J'ai transcrit dans mon recueil les lettres de M. de Tressan avec mes réponses, et l'on en trouvera les originaux dans l'alias A, numéro 9, 10 et 11. Je sens bien que, si jamais ces mémoires parviennent à voir le jour, je perpétue ici moi-même le souvenir d'un fait dont je voulais effacer la trace. Mais j'en transmets bien d'autres malgré moi. Le grand objet de mon entreprise, toujours présent à mes yeux, l'indispensable devoir de la remplir dans toute son étendue, ne m'en laisseront point détourner par de plus faibles considérations qui m'écarteraient de mon but. dans l'étrange, dans l'unique situation où je me trouve. Je me dois trop à la vérité pour devoir rien de plus à autrui. Pour me bien connaître, il faut me connaître dans tous mes rapports, bons et mauvais. Mes confessions sont nécessairement liées avec celles de beaucoup de gens. Je fais les unes et les autres avec la même franchise en tout ce qui se rapporte à moi, ne croyant devoir à qui que ce soit plus de ménagement que je n'en ai pour moi-même, et voulant toutefois en avoir beaucoup plus. Je veux être toujours juste et vrai, dire d'autrui le bien tant qu'il me sera possible, ne dire jamais que le mal qui me regarde et qu'autant que j'y suis forcé. Qui est-ce qui, dans l'état où l'on m'a mis, a droit d'exiger de moi davantage? Mes confessions ne sont point faites pour paraître de mon vivant, ni de celui des personnes intéressées. Si j'étais le maître de ma destinée et de celle de cet écrit, ils ne verraient le jour que longtemps après ma mort et la leur. Mais les efforts que la terreur de la vérité fait faire à mes puissants oppresseurs pour en effacer les traces me forcent à faire, pour les conserver, tout ce que me permettent le droit le plus exact et la plus sévère justice. Si ma mémoire devait s'éteindre avec moi, plutôt que de compromettre personne, je souffrirais un opprobre, injuste et passager, sans murmure. Mais puisqu'enfin mon nom doit vivre, je dois tâcher de transmettre avec lui le souvenir de l'homme infortuné qui le porta, tel qu'il fut réellement, et non tel que d'injustes ennemis travaillent sans relâche à le peindre.